Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Au cours des dernières semaines, j'ai approché des amateurs de SF, fantastique et fantasy et leur ai posé trois questions. 1. Quel est votre roman de SF fantastique ou fantasy préféré? Si vous avez un préféré pour chaque genre, libre à vous de détailler. 2. Pourquoi? Et 3. Pouvez-vous nous résumer l'histoire? Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part des réponses de Jay. Jay a un site internet à www.dramadiffusion.com. Très talentueux réalisateur d'audio-drama, il est entre autres l'auteur de l'excellente série audio Velvorn. Bonjour Christian. Alors, pour répondre à la question « Quel est mon roman de science-fiction, fantasy, fantastique préféré ?», ça va être un petit peu difficile de répondre parce que je suis ce qu'on appelle un lecteur occasionnel. J'ai pas la fureur de lire comme beaucoup de personnes ont. Je suis pas du genre à prendre un bouquin tout de suite, tous les jours, dès que j'ai 5 minutes ou quoi que ce soit. Je suis plutôt du genre à lire quand je sais que soit que je vais aller dans une salle d'attente et que je vais attendre un petit peu de temps, soit quand je fais des longs trajets en train, en bus, en voiture, ce genre de choses. Et puis, j'ai pas réellement lu de livres en entier au niveau science-fiction, fantasy. J'ai beaucoup de livres que je suis en train de lire actuellement. Je lis pas beaucoup, donc c'est toujours en cours. Néanmoins, il y a quand même quelques histoires que j'ai bien aimées. Et puis, les histoires que je suis en train de lire aussi me plaisent beaucoup. Sinon, je les lirais pas, fatalement. Le premier livre qui me vient en tête, la première histoire qui me vient en tête, c'est The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams, donc H2G2. Ça a été adapté en feuilleton radio et au cinéma. Alors, en feuilleton radio, donc ça a d'abord été adapté par la BBC, et puis en France, il y a un monsieur qui s'appelle Nicolas Botti qui a réussi à réadapter en français. L'œuvre de Douglas Adams. C'est donc l'histoire de Arthur qui vit dans une maison qui va être démolie par une compagnie de démolition, donc parce qu'il y a une autoroute qui va passer au milieu de sa maison. Et donc, en essayant de négocier avec ceux qui veulent détruire sa maison, il y a son meilleur ami qui se pointe. Et qui dit à Arthur que ça y est, c'est la fin du monde, que la planète va disparaître. Et effectivement, il y a des vaisseaux spatiaux qui arrivent et qui disent que la Terre est sur le chemin d'une autoroute spatiale et qu'elle va être détruite. Donc Arthur et son pote vont pénétrer dans les vaisseaux et la Terre va exploser. Et l'aventure commence comme ça. Il se retrouve dans les vaisseaux d'extraterrestres qui s'appellent les Vogons, qui sont des grosses masses, des poètes qui ont des poésies que si on écoute un Vogon raconter de la poésie, on devient fou. Et donc voilà, ils vont arriver à s'échapper et se retrouver dans le vaisseau principal. Alors c'est vraiment n'importe quoi, c'est vraiment très très drôle. Il faut avoir un sens de l'humour quand même assez particulier pour apprécier H2G2, mais c'est vraiment une œuvre que je recommande. Les adaptations sont vraiment bien, les adaptations audio autant que l'adaptation au cinéma. Et puis voilà, je crois qu'il y a un tome qui est sorti au mois de mars. Je crois que c'est le premier tome d'ailleurs qui a été publié après le décès de Douglas Adams. Et puis voilà. Alors dans ma table de chevet, je suis en train de lire Wang de Pierre Bordage, qui est un auteur français que j'ai découvert grâce à Chronique des Ombres, qui est une série audio. Oui, j'aime beaucoup les fictions sonores. C'est surtout un petit peu ma passion. Donc Wang, c'est un héros qui a été exilé et donc qui est en route vers le passage d'un rideau électromagnétique qui a été dressé pour séparer l'Occident du reste du monde. Et ça raconte un peu son voyage. Alors c'est vraiment très dur, il y a beaucoup de violence, beaucoup de misère, beaucoup de choses comme ça qui font que quand on le lit, on est vraiment mal à l'aise et les personnages sont très attachants, ils ont vraiment un caractère vraiment très particulier et c'est vraiment un livre qui est prenant. Sinon, j'ai aussi un livre de David Weber qui est le premier tome de Honor Harrington. Alors, c'est très orienté combat spatial en fait. On a une atmosphère de guerre, hein, donc entre Manticore et Havre. Honor Harrington, c'est un officier qui sert dans une flotte qu'on appelle la flotte royale manticorienne. Et elle possède un espèce de génie du commandement tactique et va devenir progressivement une espèce de légende puisqu'elle possède de grands talents qui vont d'ailleurs lui donner le surnom de la salamandre parce qu'elle est toujours dans des batailles désespérées et elle s'en sort toujours. Côté fantasy, alors je suis en train de lire Leyland. Leyland de Magali Segura, en fait, était à la base une trilogie. Et on m'a prêté la trilogie qui est reliée en un seul gros bouquin de 700 pages. C'est les éditions Bragelonne qui ont fait ce format, qui a décidé de réunir la trilogie en un seul bouquin. C'est l'histoire d'un messager donc qui se rend dans le royaume de Leyland. Et il va faire la connaissance d'une jeune fille qui semble avoir un espèce de lien magique avec les forces de la nature. Et donc, ils vont se côtoyer et faire face à un justicier, qui, je crois, on appelle le masque. Et donc, le masque a une particularité, c'est qu'il défait la garde du royaume, avec une agilité et une violence très, très impressionnantes. J'aime bien ce bouquin parce que on est tout de suite plongé dedans. Moi, j'aime bien, en fait, quand il y a beaucoup d'action, quand c'est grandiloquent, en fait. Et là, dès le départ, on est vraiment plongé dans cet univers. Les paysages sont très, très bien décrits. Les émotions des personnages aussi, les personnages en eux-mêmes sont très attachants. Et voilà. Merci Jay. Et voilà qui met fin à cette émission. Merci de votre attention. À bientôt.